إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous continuons cette série intitulée Les étapes de l'au-delà. Hier, nous avons vu l'étape du rassemblement. Allah subhanahu wa ta'ala réunira ses créatures dans la terre du rassemblement. Nous avons vu hier que les gens seront rassemblés nus, totalement dévêtus, les pieds nus, incirconcis. La première tombe qui s'ouvrira sera celle du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier qui sera habillé sera le prophète Ibrahim alayhi salam. Quel sera l'état des gens dans cette terre du rassemblement? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans son noble livre de nombreux détails et de nombreuses descriptions de l'état des gens dans cette terre du rassemblement. Quant à leur corps, comme nous avons vu précédemment, ils seront totalement dévêtus, les pieds nus et incirconcis. Quant à leur visage, ils seront humiliés et soumis. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Et les visages s'humilieront devant le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Puis il dit Azza wa Jal, dans le sens rapproché, et malheureux sera celui qui se présentera devant Allah chargé d'une injustice. Quant à leur regard, ils seront déstabilisés. Des regards qui redouteront les tourments du jour dernier. Il dit subhanahu wa ta'ala, خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Allah subhanahu wa ta'ala a également caractérisé la vue des gens le jour du jugement lorsqu'il dit فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ, lorsque la vue sera éblouie. Une personne qui est éblouie est une personne qui est déstabilisée. Elle ne sait plus où elle se trouve, elle ne sait plus où aller. Elle perd son sens de l'orientation. Quant à leur cœur, ils seront également déstabilisés et se mettront à battre très vite. Il dit subhanahu wa ta'ala, قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. Ce jour-là, Il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi. Leur cœur battra extrêmement fort de par la peur qu'ils ressentiront et la terreur qu'ils découvriront. Ce jour-là également, les liens de parenté seront oubliés. Les liens de parenté seront oubliés, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là et ils ne se poseront pas de questions. Les gens oublieront leurs liens de parenté. Ceux qui avaient des liens de parenté dont ils tiraient profit, certains s'enorgueillent de leurs liens de parenté, certains en profitent pour des biens de ce bas monde. Ce jour-là, les liens de parenté seront oubliés et ils ne se poseront pas de questions. Les gens ne se demanderont pas ce que sont advenus leurs proches. Chacun aura son propre cas pour l'occuper. Allah Azzawajal nous informe également que les gens, le jour dernier, seront agenouillés. Ils seront agenouillés par peur et dans l'attente du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Ce jour-là, rien n'échappera à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ne pourront rien cacher de leur situation à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Et dans l'autre verset de sourate At-Tariq, Allah Azza wa Jal dit يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. Le jour où les secrets seront dévoilés. Les choses cachées, les secrets qu'avait enfoui l'être humain dans son fort intérieur, tout ceci sera exposé au grand jour, le jour du jugement. Les gens seront présentés en rang devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَزَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous, comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Ce jour-là, les gens ne parleront pas. Il dit subhanahu wa ta'ala وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. Et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Et dans le verset de Sourate al-Mursalat, Allah Azzawajal dit: Hadha yawmu la yantiqoon. Ce sera le jour où ils ne peuvent pas parler. Certains pourraient se demander comment réunir entre ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens ne pourront pas parler le jour du jugement et d'autres versets dans le livre d'Allah qui attestent que les gens parleront comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Qiyamah. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ L'homme ce jour-là dira où fuir? La réponse est que la base est que les gens le jour du jugement ne parleront pas. Ne pourront pas parler. Ils ne pourront parler que si Allah subhanahu wa ta'ala leur en donne l'autorisation. Et la preuve est la parole d'Allah azza wa jal dans sourate An-Naba, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Le jour où l'esprit, c'est-à-dire Jibril, et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler sauf celui à qui le Tout Miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Les gens dans cette terre du rassemblement seront totalement désemparés, apeurés, terrorisés. Ils seront inquiets, ils seront alarmés. L'être humain fuira même les gens qui étaient les plus proches de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne, c'est-à-dire son épouse, et de ses enfants. Car ce jour-là, il aura son propre cas pour l'occuper. Allahu Akbar. Des personnes qui nous sont chères, comme nos parents, nos enfants, nos épouses, des enfants pour qui le père sort le matin, s'en va travailler et rentre le soir. Tout ceci dans le but de donner à sa famille les besoins, les choses dont elle a besoin, subvenir à leurs besoins, leur donner le confort qu'ils méritent. Ils se fatiguent du matin au soir pour que ses proches ont une vie décente et une vie décente. Il se sacrifierait même pour ses enfants. Le voilà le jour du jugement qui fuira ceux qui étaient les personnes les plus proches de lui dans cette vie d'ici-bas. Ceci de par l'effroi, de par la terreur qui régnera ce jour-là, wal'iyadhu billah. Un jour extrêmement difficile qui fera en sorte que la nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, qui fera en sorte que la femme avortera et accouchera avant le terme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme de l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Dans ces premiers versets de Sourate Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce tremblement qui aura lieu au moment de l'heure. Et les savants ont divergé sur quand ce tremblement va-t-il avoir lieu. Est-ce le tremblement qui aura lieu après le premier souffle dans la trompe, lorsque les gens seront foudroyés, et lorsque tout être vivant disparaîtra à la surface de la terre, ou bien ce tremblement aura-t-il lieu le jour du jugement? Deux avis des savants. Quant à ceux qui disent que c'est un tremblement qui aura lieu après le soufflement dans le premier souffle dans la trompe, ils disent, car Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ici de la nourrice qui allait et de la femme enceinte qui avorte. Or, il n'y aura pas de femme enceinte le jour du jugement. Ainsi, cela aura lieu lors de l'extermination de tous les êtres vivants à la surface de la terre. Et les autres savants qui ont dit que cela aura lieu le jour du jugement, ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ici donné une image pour montrer la dureté de ce jour et la gravité de ses effrois. Et que s'il y avait une nourrice qui allaitait, elle oublierait cet enfant qu'elle allait. Et s'il y avait des femmes enceintes, elles avorteraient. Comme lorsqu'une personne dit, par exemple, que j'ai été touché par une chose, comme on dit en arabe, tashibu minhu l'wildan, qui rend vieux les jeunes ou les enfants. Ceci pour dire qu'il a été atteint par une chose grave et très dure à supporter. Ce sont deux avis des savants de l'islam à ce sujet. Ce jour également, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit en disant فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Comment vous préserverez-vous si vous mécroyez? Comment vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? Les gens seront donc rassemblés Dans cette terre de rassemblement, plein de soucis, plein de tracas, plein d'effroi, et ajoutez à cela le soleil qui se rapprochera des gens. Comme cela est rapporté dans le hadith de Salim ibn Amir, qui rapporte de Al-Miqdad radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Tudna ash-shamsu yawm al-qiyamati min al-khalq hatta takuna minhum kamiqdar mil. قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. Le hadith de Salim ibn Amir qui rapporte de Al-Miqdad radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Le soleil se rapprochera des créatures le jour du jugement jusqu'à être proche d'eux d'une distance d'un mille. Et Sulaym ibn Amir a dit par Allah, je ne sais pas s'il voulait dire par al-mille la distance ou s'il voulait dire par al-mille ce petit bâtonnet dont l'on se sert pour mettre du kuhl, cette poudre noire qui est utilisée pour embellir les paupières des yeux. Dans tous les cas, que ce soit al-mil, c'est-à-dire la distance, et ici, al-mil, c'est al-mil al-shar'i, ce qui est connu chez les savants. Et cette distance est à peu près de 4000 coudées. À peu près 4000 coudées. Que ce soit 4000 coudées, ou que ce soit la taille d'un doigt à peu près, dans tous les cas, le soleil sera extrêmement proche des créatures. Et l'on verra par la suite que cela provoquera une transpiration, et cette transpiration sera proportionnelle aux œuvres qu'ils auront faites dans cette vie d'ici-bas. Cette terre du rassemblement sera une terre autre que celle dans laquelle nous vivons actuellement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Ibrahim, pour nous montrer la terre dans laquelle seront réunis les gens, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. Le jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah l'unique, le dominateur suprême. Et nous avons vu, dans le cours d'hier, le hadith de Sahel ibn Sa'd, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. Que les gens seront réunis le jour du jugement dans une terre blanche comme de la farine. Et dans un autre hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: ليس فيها معلم لأحد. Cette terre ne contiendra aucun repère, aucun élément qui permettrait à quelqu'un de se repérer, de savoir où il se trouve. Les personnes seront dans une immense terre blanche, plane, dans laquelle il n'y aura aucun repère. Les gens seront rassemblés de différentes façons. Et ils seront apportés dans la terre du rassemblement de différentes manières. Quant à ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront traînés par leur visage. Quant aux croyants, ils marcheront sur leurs pieds. Et quant aux pieux, aux rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les croyants, ils viendront dans la terre du rassemblement sur des montures. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Ceux qui seront traînés sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire situation et les plus égarés hors du chemin droit. Et dans le hadith de Qatada, il dit que Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte qu'un homme a dit au envoyé d'Allah, Ya Rasulallah, كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. Un homme a dit, ô envoyé d'Allah, comment ceux qui n'ont pas cru en Allah pourront-ils être amenés le jour du jugement traînés sur leur visage? Il a répondu, alayhi salatu wassalam, celui qui a fait en sorte qu'ils marchaient sur leurs pieds dans cette vie d'ici-bas, n'est-il pas capable de les faire marcher sur leur visage le jour du jugement? Et Qatada, le rapporteur du hadith, a dit « Wa izzatu Rabbina » bien sûr, par la puissance de notre Seigneur. Quant aux croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-Rahmani wafda » Le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du Tout Miséricordieux. Et dans le hadith jugé bon, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Innakum tuhsharuna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhikum » Vous serez rassemblés à pied sur des montures et vous serez traînés sur vos visages. Ainsi sera la situation des gens dans cette terre du rassemblement. Quant au jour dernier, et à ces effrois, ils seront terribles. Et nous devons méditer sur les créatures gigantesques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces créatures qu'Allah azza wa jalla a créées, comme les cieux, la terre, les montagnes, les océans, le soleil, la lune, les étoiles, qu'est-ce que toutes ces créatures, qu'adviendront-elles le jour du jugement? Quant à la terre, elle sera pulvérisée, et les montagnes seront réduites en poussière. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que cette terre dans laquelle nous vivons, avec ces montagnes qui font en sorte que cette terre soit stabilisée, que cette terre et ces montagnes seront soulevées le jour du jugement et seront réduites en poussière. Il dit subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Puis, quand d'un seul souffle, on soufflera dans la trompe, et que la terre et les montagnes seront soulevées, puis tassées d'un seul coup. Il dit subhanahu wa ta'ala, Kalla, إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. Les montagnes seront réduites en poussière. Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Ces montagnes seront réduites en poussière, et elles ressembleront à des dunes de sable que le vent disperse. Des montagnes qui étaient constituées de roches extrêmement dures se retrouvent transformées par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en des dunes de sable. Et dans d'autres versets, Allah azawajal nous informe que les montagnes seront réduites en poussière. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا. Quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes et qu'elles deviendront poussière éparpillée, c'est-à-dire emporté par les vents. Allah subhanahu wa ta'ala a informé également que ces montagnes seront réduites à l'état de laine. Il dit subhanahu wa takunu al-jibalu kal'ihn, et les montagnes comme de la laine. Et dans le verset de Sourate Al-Qari'ah, وتكون الجبال كالعهن المنفوش, et les montagnes comme de la laine carnée, de la laine cardée, pardon. Cardée, c'est-à-dire une laine démêlée, une laine dont les fibres ont été aérées et qui est donc plus souple et plus volatile. Allah subhanahu wa ta'ala pulvérisera donc ces montagnes et la terre sera comme une plaine dénudée qui ne connaîtra ni élévation ni enfoncement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. et il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni dépression, c'est-à-dire ni endroit surélevé, ni enfoncement. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, concernant les effrois du jour du jugement, et l'on continuera demain, inshallah ta'ala, la suite des autres effrois et de ce que il adviendra des océans, du soleil, de la lune, des étoiles et des autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous des tourments du jour dernier et qu'il nous permette de faire le plus de provisions dans cette vie d'ici-bas. Par la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la meilleure provision que peut réunir le musulman dans ce bas monde, des provisions qui lui seront plus que nécessaires le jour du jugement, c'est bel et bien la piété, le fait d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de ses interdits. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.